Alors en fait, la mélodie, je la connais. C'est-à-dire, je sais que j'ai déjà entendu cette chanson, mais je pourrais pas te dire qui c'est. Et par contre, ça me rappelle, enfin quelques. Là, j'ai pas bien compris. Ah d'accord, oui c'est ça, Ange. D'accord. Ouais. Parce que j'écoutais ça pas mal, j'écoutais Mona Lisa, moi. Enfin, c'est un groupe qui était un peu dans. Enfin En fait, c'est j'écoutais le Mona groupe Lisa, pas à Ange, l'époque, j'étais pas né quand ils ont c'est le sorti groupe ça, qui tourne encore, enfin qui tourne depuis. Qui tourne Mais moi j'aimais depuis bien encore Mona longtemps. Lisa et du coup j'ai découvert Ange un peu et j'avais déjà entendu cette chanson. Ouais. D'accord. Ouais, ça m'était assez Ouais, c'est familier un le groupe. style, quoi. Parce que Mona Lisa a pas mal repris le C'est un style de Ange, concurrent, quoi. ouais, Enfin. c'est sympa. En fait. Ah non, mais j'aime beaucoup. Mais il tourne Bah, tout le si monde. t'augmentes un peu Enfin, la je sais voix, pas, c'est cool parce tu que. es né en quelle